Chapitre 39. La mémoire. L'hôtel de police était un grand établissement orné d'un frontispice digne des temples antiques. Il se trouvait au cœur de la cité ciel et était desservi par 8 ascenseurs suffisamment grands pour transporter plusieurs brigades. Ce fut sous l'escorte de l'une d'entre elles qu'Ophélie gravit le grand escalier principal et traversa la salle des pas perdus. L'aide-mémoire avait été d'une efficacité remarquable. Elle se voyait ouvrir toutes les portes sans avoir à prononcer un mot. Après avoir quitté Farouk, elle avait été immédiatement prise en charge par les gendarmes. Ils ne l'avaient autorisée ni à passer un appel téléphonique, ni à envoyer un télégramme, ni à prendre la parole en public. Ophélie avait désespérément cherché la tante Roseline parmi le cortège de curieux qui s'était créé autour d'elle, mais elle n'avait trouvé que des courtisans en train de la scruter à travers leur lorgnon d'or. On allait la marier en prison, dans le dos de sa propre famille. Ophélie fut conduite jusqu'au sous-sol, là où les prisonniers d'État étaient détenus. Après avoir été fouillée par une vieille dame, elle fut invitée à patienter dans une salle d'attente sous la vigilance de 4 gendarmes. Elle s'assit sur la banquette de marbre, aussi froide que de la glace, et contempla la grande horloge à balancier qui résumait l'ensemble du mobilier à elle seule. 317 minutes plus tard, le chef de brigade revint en compagnie d'un jeune magistrat en toge noire et perruque blanche. « Ah, voici l'heureux élu !» s'exclama-t-il en voyant Ophélie frigorifiée sur sa banquette. « Veuillez me suivre, chère mademoiselle, je serai votre célébrant. Oh, je vois que vous êtes blessée. Ce n'est pas la main avec laquelle vous écrivez, j'espère. J'ai tout un tas de papiers à vous faire signer. » Il tapota le porte-document en cuir rouge et qu'il tenait sous le bras. « Je vous prie de nous excuser pour cette petite attente. Nous avons dû apprêter le prisonnier et convoquer le maître de cérémonie et les témoins, toutes ces sortes de choses. « Un mariage reste un mariage, et la loi, c'est la loi !» chantonna-t-il joyeusement. Ophélie traversa plusieurs couloirs de haute sécurité, gardés par une succession de portes blindées, avant d'arriver à la cellule de Thorne. La dernière d'entre elles fut la plus impressionnante qu'elle avait jamais vue. C'était une porte ronde qui devait bien faire 3 mètres de diamètre et qui paraissait entièrement moulée dans un or si pur qu'on pouvait s'y refléter. Elle était verrouillée par un mécanisme complexe de barres et de rouages, à croire qu'elle renfermait l'ennemi public numéro 1. Ophélie eut la surprise d'apercevoir Archibald parmi les agents de sécurité, les mains au fond des poches aussi décontractées qu'un touriste. On avait dû le faire entrer par un autre circuit que celui qu'elle avait elle-même emprunté. Le magistrat s'inclina devant lui avec déférence. « Merci de vous être porté volontaire, monsieur l'ambassadeur. Vous vous êtes entretenu avec le prisonnier il y a de cela seulement quelques heures. C'est tout à votre honneur de vous être déplacé une seconde fois jusqu'ici pour célébrer ce mariage improvisé. Ainsi va la cour. Les coups de théâtre sont notre pain quotidien. » « Colonel, enchaîna-t-il solennellement en s'adressant cette fois au chef de brigade, vous pouvez donner l'ordre d'ouvrir. » La porte de la chambre forte nécessitait 3 hommes, chacun manipulant une clé et un volant pour être déverrouillé. Le puissant cliquetis métallique se réverbéra sur tous les marbres de la salle. « Que faites-vous ici, monsieur l'ambassadeur ?» murmura Ophélie pendant la manœuvre d'ouverture. Archibald appuya son vieux haut de forme sur sa poitrine. « Je suis votre maître de cérémonie et vos témoins. » « À vous tout seul ?»« À moi tout seul. » Si vous rêviez d'un mariage en grande pompe, vous risquez d'être déçu. Je suis contente que vous soyez là, déclara Ophélie avec une telle spontanéité qu'Archibald haussa les sourcils. Mais la cérémonie du don, vous allez pouvoir? Le sourire d'Archibald s'accentua et son regard, dans un effet inverse, parut plus vide encore. Mon fil avec la toile est brisé, répondit-il en pensée. Je n'ai pas perdu mon pouvoir familial pour autant. Vous et Thorne serez bientôt unis par des liens plus intéressants que ceux du mariage. La porte de la chambre forte, épaisse de plusieurs dizaines de centimètres, fut enfin ouverte. Elle donnait elle-même sur une grille dorée que le chef de brigade déverrouilla avec sa clé. L'intérieur de la cellule était conçu dans le même marbre et le même revêtement d'or que l'ensemble des sous-sols. Ophélie sentit toutes ses entrailles se tordre quand elle vit Thorne au milieu de la pièce. Il avait été assis à une table trop basse pour lui, et les sangles de cuir qui harnachaient ses poignets l'obligeaient à se voûter. Il portait sur la figure des traces de coups qu'on avait essayé de dissimuler sous plusieurs couches de poudre. Même la belle chemise blanche qu'on lui avait faite enfiler n'était pas à sa taille, et ses manches déboutonnées lui arrivaient à la moitié des avant-bras, mettant à nu ses anciennes cicatrices. C'était cela, apprêter le prisonnier. « Veuillez vous asseoir, mademoiselle, » dit le magistrat en présentant une chaise à Ophélie. « Nous allons pouvoir commencer. » Il se tenait à bonne distance de Thorne, comme s'il craignait d'être décapité d'un coup de griffe. Les gendarmes et les agents de sécurité avaient investi les lieux, gourdins à la main, prêts à intervenir à la première alerte. Quant à Archibald, il louchait sur l'orteil qui débordait d'un trou à sa chaussure. Pour quelqu'un qui était supposé témoigner, il n'était pas très attentif. Ophélie prit place de l'autre côté de la table. Quand elle croisa le regard de Thorne en face d'elle, elle le trouva aussi indéchiffrable que celui d'un oiseau de proie. Le seul éclairage de la pièce provenait d'une lampe à incandescence posée sur la table et soufflait des ombres inquiétantes derrière les angles de sa figure. Le magistrat entonna son discours. « Nous nous sommes tous rassemblés aujourd'hui pour célébrer le mariage de Monsieur Thorne, descendant de notre seigneur Farouk, encore que par les voies d'un lignage peu conventionnel, et de Mademoiselle Ophélie, descendante de Madame Artémis. » Le mariage est plus que la fête de la famille, il en est à la fois la base et le couronnement. Il est la famille même dans son essence et dans sa perpétuité. Le magistrat se lança dans un exposé sans fin sur les devoirs du mariage, puis il enchaîna avec la récitation d'un très long texte législatif. Il ne ménageait décidément aucun effet pour perdre le plus de temps possible. Prise dans les glaces du regard de Thorne, Ophélie ne s'était jamais sentie aussi mal dans ses bottines. Non seulement elle lui avait désobéi, mais en plus, elle n'avait rien arrangé à la situation. Au moment de devoir signer les documents notariés, elle était si nerveuse qu'elle brisa la plume d'un stylo, déchira une feuille et renversa deux fois l'encrier. Thorne, pour sa part, signa chaque papier d'un geste mécanique, à peine gêné par ses sangles, sans prononcer un mot, ni cesser de fixer Ophélie. « Je vous déclare mari et femme !» s'exclama le magistrat. « Je laisse à Monsieur l'ambassadeur le soin de procéder à la cérémonie du don. » Archibald s'avança vers la table avec désinvolture. « Approchez votre chaise de votre mari, Mademoiselle Off... Madame Thorne. Ainsi, ce sera parfait. Je vais à présent servir de passerelle entre vous, afin de permettre à vos pouvoirs familiaux de se conjuguer. Vous ressentirez peut-être un léger inconfort, mais il se dissipera vite. Ophélie se tortilla sur sa chaise. Elle avait passé les derniers mois à redouter cet instant et à présent, elle en espérait un miracle. Si Farouk disait vrai, s'il y avait autre chose dans le livre qu'elle n'avait pas été capable de trouver, alors il fallait que Thorne devint un meilleur liseur qu'elle, et qu'il le devint vite. À force de faire traîner les choses, le magistrat leur avait déjà volé une partie de la nuit. Archibald posa une main sur la tête d'Ophélie et une autre sur celle absolument sinistre de Thorne. Ophélie tressaillit quand le pouce d'Archibald fit pression sur son front, entre les sourcils à l'endroit où il portait lui-même un tatouage. Elle ne perçut rien de particulier au début, puis, petit à petit, une bouffée de chaleur envahit son corps qui semblait traversé par un courant électrique dont l'intensité augmentait de seconde en seconde. Ophélie leva les yeux vers Thorne. Le sentait-il, lui aussi? Voûté en face d'elle, sanglé à sa table, il ne laissait transparaître aucune émotion. Ophélie se contracta, tandis qu'un fourmillement se répandait le long de toutes ses veines, à croire que c'était la nature même de son sang qui était en train de changer. Le fourmillement finit par se circonscrire juste sous son front, à l'endroit précis où appuyait le pouce d'Archibald. Des images dont elle ne connaissait ni la nature ni la provenance s'écoulèrent dans son esprit à une vitesse si étourdissante qu'elle ne parvint à en saisir aucune. Quand enfin Archibald retira sa main, Ophélie sentit une puissante migraine lui tambouriner les tempes. « Bien, bien, bien !» chantonna le magistrat en rangeant les papiers dans son porte-document. « Je crois que tout est en ordre. Nous allons nous retirer pour vous laisser, ma foi... « faire ce que vous avez à faire. Le chef de brigade viendra vous libérer demain matin, à 6 heures, chère madame, conclut-il en se tournant vers Ophélie. 6 heures ? S'indigna-t-elle. Nous avons besoin de plus de temps. Le règlement est le règlement, chère madame, répondit le magistrat en s'éloignant dans une envolée de toges. Archibald souleva son haute forme pour prendre congé à son tour. Je me charge de prévenir vos parents et Bérénilde. Tous mes compliments, monsieur l'ex-intendant, félicita-t-il en serrant la main sanglée de Thorne. Profitez bien de votre courte lune de miel. Éloignez-vous du prisonnier, monsieur l'ambassadeur, recommanda le chef de brigade. Il est dangereux. Il attendit qu'Archibald, le magistrat et les gendarmes fussent sortis de la cellule pour détacher les poignées de Thorne, puis refermer la grille à clé. Il jeta un coup d'œil tourmenté à Ophélie, comme s'il l'abandonnait aux griffes d'un criminel de la pire espèce. Il lui signala un appareil de téléphonie fixé au mur de la cellule. « Si vous avez le moindre problème, madame, appelez la sécurité. » La lourde porte blindée se referma sur la chambre forte, et après d'innombrables cliquetis de rouages, un silence assourdissant tomba. Ophélie se retrouva seule face à Thorne et son regard de plomb. Bien que ses sangles eussent été ôtés, il se tenait encore les poings sur la table, le dos voûté, la lumière de la lampe soulignant les plaies et les bosses sous la poudre de sa figure. « Ce n'est pas du tout ce que je voulais. » laissa-t-elle enfin échapper. « Enfin si. Je voulais maintenir le mariage, mais je ne voulais pas précipiter votre sentence. Je comptais absolument sur cette semaine de délai pour faire appel, vous comprenez ?» Le baron Melchior avait parlé du grand tribunal interfamilial et ça m'a donné une idée. Ce n'est pas seulement à moi que vous êtes lié à présent, c'est à tous les animistes. Je vous jure que si M. Farouk m'en avait laissé le temps, j'aurais obtenu qu'on vous place sous une autre juridiction. Vous auriez eu droit à un vrai procès, personne ne vous aurait maltraité, j'aurais témoigné et... Thorne, chuchota-t-elle en rapprochant sa chaise. « Ce que j'ai lu dans ce livre, je ne sais même pas par où commencer. » Ophélie fit un récit embrouillé de tout ce qui s'était passé au 7e étage de la tour, le marché qu'elle avait conclu avec Farouk, la grande plongée dans le passé, la véritable nature des esprits de famille et de leurs livres, la page manquante responsable de leur trou de mémoire. Elle lui parla aussi du soldat sans tête de l'ancienne école et du parfum des mimosas dorés, convaincue que même ces détails saugrenus avaient leur importance. Thorne l'écouta sans desserrer les dents. Il n'eut pas même un sourcillement quand Ophélie lui raconta sa vision de Dieu. « Je garde de ce souvenir-là une incertitude, » admit-elle. « J'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose, et c'est ce quelque chose que vous allez devoir trouver à ma place. » Pensez-vous que ça puisse avoir un rapport avec ce dont vous parliez, avec Melchior ? Ophélie sursauta lorsque Thorne se redressa enfin, mettant à mal les coutures de sa chemise trop étriquée. Pourrais-je avoir un verre d'eau ? Oui, bien sûr, balbutia Ophélie. Elle se prit les pieds dans le fil de la lampe, heurta son genou contre le cadre en fer du lit, puis se cogna au lavabo de porcelaine. Sa migraine la rendait plus maladroite que jamais. Était-ce dû à l'inoculation du nouveau pouvoir familial en elle ? Elle dévisagea son reflet hagard dans le mur, fait du même or réfléchissant que le blindage de la porte. Ses lunettes n'avaient pas bonne mine, mais à part cela, elle ne se sentait pas différente. Se tournant vers Thorne, Ophélie manqua de renverser le gobelet sur le sol. Elle ne l'avait pas remarqué jusqu'à cet instant, mais... la ligne osseuse de sa jambe gauche était horriblement déformée. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Thorne remua malaisément sur sa chaise et sa jambe prit un angle plus effroyable encore. Le baron Melchior avait beaucoup d'amis, dit-il d'un ton peu concerné. Si vous n'aviez pas précipité ma sentence pour reprendre vos mots, mon squelette entier aurait subi le même traitement. Ne me regardez pas ainsi, grommela-t-il. J'ai une excellente résistance à la douleur. Ophélie tremblait comme une feuille. Elle n'osait pas imaginer à quoi ressemblait la jambe sous le pantalon. Je ne voudrais pas vous presser, mais nous devrions commencer votre leçon. » s'inquiéta-t-elle avec un coup d'œil pour l'horloge de la cellule. Thorne prit tout son temps pour boire son eau, une gorgée après l'autre. Ophélie ne comprenait pas comment il faisait pour rester aussi calme dans un moment pareil. En ce qui la concernait, elle fournissait des efforts considérables pour ne pas céder à la panique. Quand il eut fini de boire, Thorne plongea son regard au fond de son gobelet vide, son autre main toujours serrée en poing sur la table. Il parut se perdre dans une profonde réflexion. « Au commencement, nous étions un, » déclara-t-il soudain. « Mais Dieu nous jugeait impropre à le satisfaire ainsi. Alors Dieu s'est mis à nous diviser. »« Pardon ?» balbutia Ophélie, complètement déconcertée. « Ma mère a été mutilée il y a 15 ans. » poursuivit Thorne d'une voix lointaine. « Ça s'est passé peu après les précédents états familiaux. La dernière fois que je l'ai vue, c'était ici même, dans cette prison. J'ignore encore pourquoi elle m'a choisi, sachant que je n'ai jamais rien représenté pour elle. Je présume qu'elle n'a pas eu d'autre choix. Le fait est qu'elle a mis à profit les 3 minutes de visite qui lui avaient été accordées pour me communiquer une fraction de sa mémoire, une toute petite fraction. » articula Thorne en contemplant le vide contenu dans son gobelet. « Mais ça a été suffisant pour changer ma vie, à jamais. » Il releva les yeux vers Ophélie dans un scintillement de métal. Les souvenirs personnels de Farouk, quelques bribes du moins, que j'ai passé des années à décortiquer afin d'en extraire toute la substance. Ce que votre lecture vous a appris, je le savais déjà, à quelques détails près. Un peu plus que cela, même. Subjuguée, Ophélie inspira profondément après avoir trop longtemps retenu son souffle. Un peu plus que cela. « Dieu a cassé le monde. » Thorne avait annoncé cela comme d'autres commenteraient le temps qu'il fait. Prise de tournis, Ophélie dut s'appuyer à la table. « La déchirure, ce serait l'œuvre d'une seule personne ?»« J'ignore comment, mais Dieu a cassé le monde. » répéta Thorne avec un calme souverain. « Il a depuis... une mainmise absolue sur les débris qu'il en reste. Melchior lui a vendu son âme, et ce n'est pas un cas isolé. Des hommes et des femmes veillent dans l'ombre à ce que les esprits de famille ainsi que l'ensemble de leur descendance agissent conformément au plan défini par Dieu. Ma mère était de cela. Et ça l'a corrompu jusqu'à la moelle, au point que Dieu lui-même a fini par la renier. Je ne serais pas étonné que vos doyennes en soient aussi. Peut-être même des membres de votre propre famille. Et c'est pourquoi je vous invite à la plus extrême prudence. » Ophélie ferma les yeux. Sa migraine prenait des proportions d'orage dans sa tête, comme si quelque chose en elle était en train de refaire surface. « Qui est Dieu, à la fin ?»« Qu'est-ce qu'il est ?» serait la question appropriée. Rectifia Thorne en abandonnant son gobelet sur la table. « Je me la pose depuis le jour où j'ai hérité la mémoire de ma mère et, à l'heure qu'il est, je n'ai aucune réponse satisfaisante. Je sais seulement qu'il détient une science sans commune mesure avec la nôtre. Il a créé les esprits de famille, mis le monde en pièces et placé l'humanité sous tutelle. Il est doté d'une longévité exceptionnelle et, pour une raison ou une autre, il ne veut pas qu'on connaisse son véritable visage. Malheureusement, les rares souvenirs que je partage en commun avec Farouk sont brouillés dès qu'il s'agit de Dieu. C'est donc pour cela que vous vouliez tant lire son livre ? Murmura Ophélie. Thorne fronça les sourcils. Peut-être était-ce un effet de la lampe de table, mais un éclair menaçant traversa le ciel plombé de ses yeux. « Chaque homme devrait avoir le droit de jouer sa vie au dé. Il génère des résultats aléatoires qui dépassent toutes les prédéterminations. Cela n'a plus aucun sens si les dés sont pipés. La cour tout entière triche. Il ne peut en être autrement puisque notre esprit de famille, le moule même de notre société, est un tricheur. Farouk distribue les faveurs et les disgrâces au gré de ses humeurs et non pour faire respecter les règles. Ce qui se trame avec ce casseur de monde est pire encore. » Siffla Thorne entre ses dents. « Il a volé les dés de l'humanité sans jamais, absolument jamais, sortir de l'ombre. » Ophélie se sentit intimidée. C'était la première fois qu'il se confiait à elle de cette façon. Il lui parlait, enfin pour de vrai, yeux dans les yeux, d'égal à égal. « Vous enquêtiez donc sur Dieu depuis le début, » dit-elle. « Et ensuite, que prévoyez-vous de faire ?» Thorne haussa les épaules comme si c'était une évidence. « Rendre ses dés au monde. Ce que le monde en aurait fait par la suite, ce n'était pas mon problème. » Ophélie était de plus en plus époustouflée. « Vous voulez dire affronter Dieu ?» Je n'ai rien négligé pour attirer son attention sur moi. Melchior était prêt à toutes les extrémités pour m'empêcher de lire le livre de Farouk. Et pour cause, Farouk et Dieu ont un passé commun. J'espérais secrètement provoquer une rencontre en empiétant sur ce terrain-là. Dieu a forcément un point faible, tout le monde en a un. Il me suffisait de trouver lequel et l'affaire aurait été réglée. « Mais pourquoi vous ?» insista Ophélie. « Pourquoi serait-ce à vous et à vous seul de la régler, cette affaire-là » Thorne grimaça en essayant de changer de position. Des gouttes de sueur perlaient à la racine de ses cheveux. Il avait beau dire, sa jambe devait lui faire endurer un véritable calvaire. « Déformation professionnelle, » finit-il par grogner. Voyez-y un ridicule sens du devoir ou une incurable rigidité intellectuelle. » Fascinée, Ophélie considéra longuement Thorne dans la lumière crépusculaire de la lampe. Jamais elle ne s'était sentie aussi petite et jamais il ne lui avait paru aussi grand. Qu'elle se tînt debout et lui, pliée en trois sur sa chaise, n'y changeait rien. Cet homme était un parfait misanthrope, mais il pensait tout en plus vaste, en plus profond que les autres, bien au-delà de ses intérêts personnels. « Vous avez gardé tout cela pour vous depuis 15 ans ?» Thorne acquiesça, ses yeux amincis en deux éclats argentés. « Je refuse, catégoriquement, de mêler ma tante à cela. L'ignorance est moins dangereuse que la connaissance. Dans votre cas, ça a cessé d'être vrai depuis que vous avez lu le livre. Gardez cependant à l'esprit que la vérité a un prix et il est élevé. N'oubliez jamais ce qui est arrivé à Hildegarde. Elle en savait vraisemblablement davantage que moi et elle a préféré se suicider plutôt que d'accepter ma protection. Je ne cesse de me demander pourquoi Melchior tenait tant à ce que Dieu la rencontre. Ajouta-t-il d'un ton pensif, il a emporté ce secret-là aussi dans la tombe. Un éclair jaillit soudain au milieu de la migraine d'Ophélie. Avec un déclic à retardement, le pouvoir familial de Thorne se déversa en elle et souffla sur les braises de sa propre mémoire. Elle revit le jeune Farouk agenouillé à ses pieds, levant vers elle un regard avide, comme s'il attendait d'elle, d'elle et d'elle seule, un sens à sa vie. « Pourquoi dois-je faire ce qui est écrit ? Qu'est-ce que je suis pour toi, Dieu ?» D'innombrables petits détails lui revenaient, des détails qu'elle était certaine de ne pas avoir perçu au cours de sa lecture. Des fenêtres vidées de leurs carreaux, des miroirs recouverts de draps, et elle, Dieu, en train de s'adresser à Farouk, de lui expliquer quelque chose d'essentiel. Les coups de l'horloge ramenèrent brutalement Ophélie au moment présent. « Nous ne devrions pas perdre davantage de temps. »« Je ne perds jamais mon temps, » affirma Thorn en arquant les sourcils. « Tout ce que je vous ai dit, je devais vous le dire. Maintenant, il vous appartiendra d'en faire un meilleur usage que moi. » Sur ces mots, il déplia les doigts qu'il avait tenus fermés en poing. Il renfermait un petit pistolet de poche. Ophélie eut un coup au cœur en le voyant. Elle était certaine que Thorn avait les mains vides au moment de signer les papiers du magistrat. « Archibald, » finit-elle par comprendre, « lorsqu'il vous a félicité. » « À défaut d'être amusant, il est efficace. Je lui ai demandé cette faveur pendant sa visite au parloir. » Ophélie se sentit devenir tour à tour glaciale et brûlante. « Pourquoi lui avoir demandé une arme ?»« Je n'ai aucune intention de finir comme ma mère, » déclara Thorn d'un ton catégorique. « Je veux être le seul à décider quand et comment mourir. »« Vous ne finirez pas comme votre mère, je vous le promets, alors jetez ça immédiatement. » Elle s'était exprimée avec un tel emportement que les traits sévères de Thorn se distendirent sous l'effet de la surprise. « Vous n'avez rien à me promettre. » « Il y a un détail au sujet de cet objet qui ne manquera pas de vous intéresser. » Thorn posa un regard incisif sur le pistolet de poche qui étincelait à la lumière de la lampe. « Depuis que je le tiens en main, je ne l'ai pas encore lu. Comment »« Comment ?»« Je ne le lis pas, » répéta Thorn. « Je le touche. » Mais je ne ressens rien de spécial. Je ne suis évidemment pas un expert, mais j'ai tendance à penser que ce n'est pas bon signe. » Ophélie avisa le gobelet de fer blanc sur la table et le poussa devant lui. Thorn s'en empara, le fit tournoyer entre ses doigts, puis les reposa. Rien. Soyez bien concentré, lui recommanda-t-elle en s'efforçant de ne pas montrer son affolement. « Lire un objet, c'est comme décrocher le téléphone. Il faut se mettre à l'écoute de ce qu'il va vous raconter. » Thorn reproduisit la manipulation, cette fois avec le bouton de la lampe qu'il fit tourner dans un sens, puis dans l'autre, augmentant et diminuant la luminosité de l'ampoule. « Rien. »« Pas de vision ?» bredouilla Ophélie. « Pas de sensation particulière, pas même une vague impression ?»« Non. » Elle retira ses lunettes. « Tenez, il est plus facile de lire un objet qui n'est pas déjà imprégné de notre propre état d'esprit. » Thorn lui rendit ses lunettes après quelques palpations. « Toujours rien. C'est plutôt ironique, mais il semblerait que je ne sois vraiment pas doué pour la lecture. À présent, prêtez-moi toute votre attention. J'ai un service à vous demander. » « Non. » La réponse était échappée d'Ophélie presque malgré elle, ce qui n'empêcha pas Thorn de poursuivre imperturbablement. « Emmenez ma tante avec vous sur Anima. Vous ne devez ni l'une ni l'autre subir les foudres de Farouk à ma place. Ne parlez de ce que vous savez à personne et vivez votre vie comme avant. La vérité est un lourd fardeau. Elle n'est pas à mettre sur toutes les épaules. » « Non !» répéta Ophélie. Elle chercha autour d'elle tous les objets qui pourraient encore servir de lecture, mais la cellule de prison n'offrait pas beaucoup de choix. Thorn glissa son petit pistolet dans une poche de sa chemise. « Je ne me servirai pas de cette arme devant vous. Appelez la sécurité et allez-vous-en. » Ophélie secoua la tête avec tant de force que son chignon céda et ses cheveux déferlèrent dans son dos. La terreur commençait à la gagner. « Non, non, non !» bégaya-t-elle avec une incrédulité croissante. « Vous devez encore essayer, nous devons encore essayer. Je vais convaincre M. Farouk de me laisser lire son livre une seconde fois. Il y a forcément une solution. Il y a toujours une solution. » « Ophélie !» Les mains de Thorn enveloppèrent son visage pour l'obliger à le regarder en face. Mal assis sur sa chaise, il l'observait avec une extrême gravité. Les cicatrices qui sillonnaient ses bras luisaient comme des croissants de lune dans le faible éclairage de la pièce. « Ne me rendez pas la tâche plus pénible. Aucun de nous n'est capable de satisfaire Farouk, et vous le savez. Il va m'évider de ma mémoire et avec elle tout ce que je suis. Je ne veux pas finir comme ma mère, vous comprenez ?» Ses doigts pressèrent davantage les joues d'Ophélie. « Je ne souffrirai pas, » lui promit-il. « Je vous en prie. » La voix d'Ophélie ne fut plus qu'un chuchotis implorant. Thorn la dévisagea avec une franche perplexité, puis il eut une convulsion des lèvres mi-sourire, mi-grimace. D'un mouvement hésitant, un peu timide, il invita Ophélie à se rapprocher de sa chaise de façon à trouver le meilleur compromis entre son bras cassé à elle et sa jambe brisée à lui. Quand elle fut suffisamment près, il appuya son front sur son épaule. « La première fois que je vous ai vu, je me suis fait une piètre opinion de vous. Je vous croyais sans jugeote et sans caractère, incapable de tenir jusqu'au mariage. Ça restera à jamais la plus grosse erreur de ma vie. » Ophélie se sentit déchirée entre la détresse et la fureur. Il n'avait pas le droit, d'entrer dans son existence ainsi, de tout mettre sans dessus-dessous, puis de s'en aller comme si de rien n'était. Elle eut l'impression qu'elle se brisait de l'intérieur lorsque Thorn resserra son étreinte autour d'elle. « Ne tombez plus dans les escaliers. » Évitez les objets tranchants et surtout, gardez-vous des personnes peu recommandables. Entendu ? Une larme roula sur la joue d'Ophélie. Les mots de Thorn lui creusaient un vide abyssal dans le corps. Elle savait avec une absolue certitude qu'à l'instant où ils se sépareraient, elle ne connaîtrait plus jamais la chaleur. Thorn déglutit contre son épaule. « Ah, et au fait, je vous aime. » Ophélie s'étrangla dans un sanglot. Elle ne parvenait plus à parler, respirer lui faisait mal. Les mains de Thorn se perdirent dans la masse épaisse de ses boucles. Son souffle se fit plus court, il serra son corps contre le sien aussi près que c'était physiquement possible. Puis il se dégagea d'elle, avec une vivacité presque brutale. Il se racla la gorge, soudain enrouée. « C'est un peu plus difficile que je ne le pensais. » Il repoussa ses cheveux pâles en arrière, son regard fuyant résolument celui d'Ophélie. La bordure de ses paupières avait rougi. Cette vision, plus que tout le reste, la bouleversa, comme jamais encore elle n'avait été bouleversée. « Partez, maintenant !» marmonna Thorn. « J'ai les adieux larmoyants en horreur. » Il décrocha la main d'Ophélie qui s'était cramponnée à sa chemise. Elle aurait voulu avoir ses deux bras pour mieux se retenir à lui. « Allez-vous-en !» insista Thorn d'une voix plus sourde en voyant qu'elle ne bougeait pas. « Plus vous vous attardez ici, plus ce sera dur pour moi de... » La fin de sa phrase mourut sur ses lèvres. Il écarquilla lentement les yeux et sa cicatrice faciale s'allongea à n'en plus finir. Ophélie se retourna en sursaut et le vit aussi. Un pied avait jailli du blindage doré de la porte.